soyez dorénavant voués à orner les salons de la normalité reviennent du subespace pour hanter les réseaux et en créer à leur tour. Certaines formes de vie qu'on pensait radiées et supplantées par les technologies de l'immatériel ressurgissent ici et là de sous la poussière. On croyait le feu éteint et remplacé par les écrans, mais le chuchotement des flammes s'est réveillé sous la pression du bouton lecture. CQ, CQ, this is W9GFO. Is anybody out there? Cosmic cassette. All aboard, clear the track, here I go. Écoutez tout à l'heure Transmer du Nord en introduction de cette dernière émission de l'année 2016 de Cosmic Cassette. Elle est enregistrée à Perrache. On écoutait Transmer du Nord et c'était paru chez Fruc Pruc et Fruc, un label j'imagine de Lille, puisque la cassette a été produite suite à une performance radiophonique originellement diffusée sur les ondes de 100 heures de musique et d'expérimentation. À Lille, ça a été produit, enregistré à la Gardo à Lille. Et une cassette produite à 30 exemplaires seulement que j'avais acheté à Ex Vinilo en 2015. Et tout de suite, on écoute Radiant Husk avec la cassette Déflation Bazin, un extrait de la face A paru chez Bezoar Formations aux USA, j'imagine en 2014, et je l'ai acheté en 2016 à Ex Vinilo. Après cet extrait de Radiant Husk, on écoutera Songs and Rhythm from Tahiti sur la cassette Tumataz Polynesian Review, et le morceau s'appelle, je vais essayer de le dire correctement, Aratai Tokoto Oaete Voka Napoko. Pour ceux qui veulent retrouver le morceau, moi j'ai pas réussi. C'est paru chez Ocean Productions, un label tahitien. Aux alentours des années 80, j'imagine, en tout cas, moi j'ai acheté la cassette à Emmaüs cet été à Pau. Et puis on enchaînera avec la dernière cassette de Gil M. Hall qui s'appelle Transit, qui est une cassette assez courte mais vraiment chouette. Et c'est une cassette que j'ai eu l'honneur de recevoir gracieusement via un échange entre Gil M. et puis Antoine de Calanque qui me l'a transmise. Cassette de Guilhem, elle est parue chez son propre label qui s'appelle LEM et c'est le deuxième opus du label. Oh. dance the tamure. It's easy and funny. Just imagine you are in your kitchen making breakfast. Pop the pear, pop the orange, push the pineapple, and ground the coffee. Pop the pear, pop the orange, push the pineapple, and ground the coffee. Tumataz Polynesian Review, et maintenant c'est Guillaume Moll avec la cassette Transit. sais pas comment il a fait cette cassette précisément, mais j'ai déjà vu Guillem Hall jouer. Il joue en général avec des petites, des petits pick-up à disque, puis des petites machines comme ça, un peu branlantes. Parce qu'il a un côté un peu bizarroïde à sa musique, mais quand même assez funky au final, quoi. Après Guilhem, ça sera El Hijo del Sol, une chanson parue sur la cassette Incahuara volume 2 chez Incahuara Productions. Et puis c'est la musique des Andes de Bolivie. J'ai pas vraiment trouvé d'informations concernant la date. Il semble que ce soit avant 1991 et je l'avais acheté à Emmaüs cette cassette. On passe de la cordillère des Andes aux pentes arides du Vésuve avec cette cassette produite par Calanque et le morceau Piera Menta, un extrait de la face B. Et la cassette s'appelle Som Som. Elle est parue chez AB Records en 2016. Et cette cassette avait la particularité d'offrir dans son boîtier un petit lot de pierres du Vésuve à se frotter contre le ventre. Voilà, en se massant le ventre avec, d'après les indications de la cassette. Mais je ne l'ai pas fait encore. voilà, j'ai appris il y a peu que Kalank avait joué un matin dans un café qui ouvrait le matin, quoi. Et voilà, devant les gens qui allaient au travail et tout, histoire de les endormir un peu avant d'aller à l'usine. Je trouve ça assez chouette de faire jouer des groupes le matin. Je sais plus où c'était. Thank you. vient d'écouter Glia avec le morceau Ziego, je pense. Un extrait aussi, je crois. Et la cassette s'appelait OW et elle est parue chez Sveil Tapes et c'est leur premier opus et je crois que c'est un label français en 2015. Et là, tout de suite, c'est Parkin Warbeck avec A Blue Kind of Sight, un extrait de la face A paru chez I Had an Accident Records en 2015. Et ce sont deux cassettes que je vais trouver à Ex Vinilo, à Rabastens en 2016. Après Parkin Warbeck, on écoutera Fred McDowell avec le morceau When the Train Comes Along, qui est paru sur la cassette nommée The Alan Lomax Recordings. Et c'est une chanson que je dédicace aux Road Dogs, ainsi qu'à mes amis que je vais rejoindre à la Nouvelle-Orléans. Et voilà, Fred McDowell, c'est un bluesman du Mississippi. Je crois qu'il a vraiment été connu en 1959 suite à un enregistrement d'Alan Lomax. Et du coup, cette cassette, elle a été éditée chez Mississippi Records à Portland, ainsi qu'avec la participation de Alan Lomax Archive à New York et Domino Sound à la Nouvelle-Orléans en 2011. Ça sera juste après ce petit passage dancefloor de Parkin Warbeck. Cassette. come along, Lord. When the train come along, Lord, gonna meet her at the station. When the train come along, won't you see my mother? And she asked for me, Lord, gonna meet her at the station. When the train come along. Et j'avais acheté cette cassette sur un stand de la Lutine à Grande Zéro. Voilà, pour une fois, j'avais l'occasion d'aller à la Lutine sans entrer dans le shop. When the train come along, Lord, gonna meet him at the station. When the train come along, if you see my father, and he asks for me, Lord, gonna meet him at the station. When the train come along. Et en parlant des hot dogs, les chiens de la route, qui ont en partie lié avec les éditions Croatan, eh bien je passe tout de suite une cassette sortie justement aux éditions Croatan en 2016. En collaboration avec le label Silo. Et puis c'est Mtuak et Kapak, un duo des alentours lyonnais qui joue voilà, sur ce deuxième opus des éditions Silo. Ce label a la particularité de faire venir jouer des groupes dans un ancien silo désaffecté et puis réaffecté en fait à la musique expérimentale et puis à toute autre résidence expérimentale diverse. Ça peut être, je sais, de l'imprimerie, puisque je sais qu'à Lyon cet été ça a beaucoup bougé dans ce coin là-bas du sud-est de la France, au silo. Thank you. pursuit. Ensuite, M-Track, Capac et le Silo. On va se déplacer jusqu'à Austin, Texas, dans un repère de hippie métallique avec la cassette Cathedral of Junk, qui était un split entre Lead Sister 2 et Book of Shadows. Et on va écouter la face de Lead Sister 2. Voilà. Et en fait, ça a été enregistré à Austin, dans une espèce de, d'endroit, une espèce de temple métallique fait de rebuts où les personnes jouaient voilà, avec la structure en arrière-fond. On dirait qu'elle va leur tomber dessus. Le zarb est un petit tambour iranien à une peau qui se joue avec tous les doigts. Il est composé d'une peau collée sur un fût. On utilise une peau de chèvre ou de chien. Le fût est en bois, mûrié ou noyé. Il est tourné d'une seule pièce, il est creux. Il est composé de deux parties, le corps et le pied. Le pied est plus étroit que le corps. Cette différence de section permet un effet de compression sur les basses de l'instrument. Par exemple, si l'on frappe au centre de la peau avec tous les doigts réunis de la main droite, la peau entre en vibration. Cette vibration se transmet au volume d'air contenu dans le corps. Elle cherche à sortir. Et comme le pied est plus étroit que le corps, seules les ondes les plus longues, c'est-à-dire les plus graves, peuvent sortir par le pied. Les basses sont donc compressées, les graves, plus graves. Le zarbe se joue avec tous les doigts. Sa technique est basée sur la décontraction. On peut obtenir une grande quantité de sonorités différentes en variant les modes de jeu et les points de la peau ou de l'instrument que l'on excite. Par exemple, si l'on frappe au centre de la peau avec tous les doigts réunis de la main droite, on obtient un son grave. Boum. Boum. Boum. Si l'on frappe au bord de l'instrument avec le majeur et l'annulaire réunis de la main droite, on obtient un son aigu. Ti. Ti. Ti. Si l'on frappe au premier tiers environ du rayon de la peau, avec le majeur et l'annulaire réunis de la main gauche, on obtient un son médium. Ta. Ta. Ta. Boum, ti, ta. Boum, ti, ta. En frappant sur le bois au bord de l'instrument avec l'ongle, on obtient un son sec. Tec. Tec. Tec. Boum, ti, ta, tec. On peut aussi frapper avec l'annulaire décontracté de la main droite ou gauche à la moitié environ du rayon de la peau. Toun. Toun. Toun. Boum, ti, ta, tec, toun. Boum, ti, ta, tec, toun. On obtient un roulement en frappant alternativement avec la main droite et la main gauche les doigts très décontractés. On peut également étouffer la peau avec le pouce de la main droite et frapper avec l'annulaire ou le majeur de la main gauche en utilisant le pouce comme point d'appui, comme pour claquer des doigts. Pratiquement, cela donne un son aigu et sec. En restant dans cette position, on peut aussi frapper avec les doigts réunis de la main droite pour obtenir une basse étouffée. On peut aussi frapper avec les ongles sur la peau. Les ongles sur la peau en étouffant. On peut rouler sur le bois avec les ongles ou avec les doigts sur la peau en modulant le son par une pression progressive du pouce droit. On peut donc obtenir une grande quantité de sonorités différentes en variant les attaques et une infinité de possibilités musicales en les enchaînant. On peut par exemple enchaîner une basse avec un son étouffé, suivi d'un roulement d'ongles sur le bois, ou un roulement sur la peau, suivi de frappes étouffées, ou de frappes d'ongles et de doigts étouffés sur la peau avec la main droite ou gauche, en roulant, suivi d'un étouffement sonore avec les doigts et d'une basse sur la peau de la main droite. On peut donc obtenir une grande quantité de sonorités différentes en variant les attaques et une infinité de possibilités musicales en les enchaînant. Il est intéressant de noter au passage le décalage entre la richesse musicale de l'instrument et la simplicité de sa facture. Nous allons aborder maintenant l'utilisation du zarbe. Cosmico Cassette. Alors on vient d'écouter Adrien Perron. Un concert, enfin l'extrait, le début du concert à la bascule en 2010, je pense. Et ça a été enregistré par Manuel Duval pour les éditions La République des Granges. Et voilà, en fait, c'est une présentation d'un instrument et c'est une pièce écrite et pas par Adrien Perron. Voilà. Et tout de suite, c'est Karalis avec le morceau A476 paru sur la cassette Coverdale A480. C'est une artiste de Montréal et ça a été édité par Constellation Tatsu en 2014. Voilà, c'était Karalis avec A476 et maintenant on va écouter une cassette que ma mère m'a ramenée du Maroc, une cassette de musique gnawa. C'est le vendeur qui lui a expliqué tout ça. Je serais bien incapable de vous dire le nom puisque j'arrive pas à lire l'arabe. Voilà, c'est qu'un extrait, mais le morceau dure vraiment super longtemps. Donc là, on a pris le morceau en cours. J'ai quand même une information. C'est apparemment un label qui s'appelle South El House et coproduit avec Radio El Hawaï. Je pense que ça vient de Marrakech. Thank you. On écoute Good Band, c'est le nom du groupe, sur la cassette Not Bad, et le morceau Electric Troll, bon voilà, qui semble être une improvisation semi-électrique, et c'est paru chez La La La en 2008, La La La, un label de Finlande, et j'ai chopé ça cet été, je crois, Rabastin, ça ex vinilo. Voilà, c'est la dernière émission de l'année 2016. Du coup, on va se dire bye bye avec un morceau de Nicole Campo qui s'appelle New Fashion. Alors, c'est un morceau que m'avait envoyé Arthur de Présent Parfait. Et du coup, m'avait fait découvrir Nicole Campo, une jeune fille de 11 ans, je crois, à peu près à l'époque, des faits, qui a été rééditée en France en 2016 par Waving Hands. Et puis qui est en fait une réédition d'un truc publié originellement chez Lonely Whistle Music en 1987. Et voilà, Nicole Campo, c'est une fille de 11 ans qui fait de la musique avec le 4 pistes de son père, Don Campo, connu pour No Pigeon Hall, une émission de radio sur la musique XP, Indé, voilà, aux États-Unis. Et donc voilà, c'est une pépite un peu, c'est super cool. Voilà, bye bye, ben l'année prochaine, et joyeux Noël. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. Kewani Kasid. Siani bingalela motawe, snipisela inkonzo ende. Rolls complete and officious program. Hello, this is Nicole Campo, and I would like to thank special thanks, a very special thanks to my tape recorder.